je t'enlève ta vie pour une parole. GP, 800, visière cascaraï, passe une bonne réçoit. Je rajoute un 6 et je suis très loin du C3. Zéro défaite, t'as vaincu dans mes histoires. Oh mamacita, je suis dans le bâtiment. Je reflète le Djiban qui était mon papa. Mais ne t'en fais pas, je bosse comme un cibre. La frappe acide, 12 ans tersicor. Réveille-moi si je dors, mon cœur c'est si corps. Que tu penses de moi, frangin, c'est réciproque. Rafale dans le décor, si personne n'est d'accord. On vient à 3, tu me verras pas à 14. Hey, check. On vient à 3, tu me verras pas à 14. Ni chaud ni froid, juste après je prends des vacances. Et repose en paix, s'il te plaît. Je veux pas rentrer ce soir. J'aime bien quand je parle au ciel. Je compte les étoiles. Tu me perds, je suis pas concentré. Je veux pas rentrer ce soir. J'aime bien quand je parle au ciel. Je compte les étoiles. Je me perds, je suis pas concentré. Oh la nuit, yeah. T'es jolie, tu me donnes envie de pas rentrer. Non. Tu m'attires, je te le dis, mais c'est mes mecs, tu m'aides à les tuer. Deux minutes, à minuit, je te rejoins, on va barauder. Tous les deux, en amoureux, seul à seul, sans les lampadaires. Oui, j'ai des ennemis, mais mes ennemis ne sont pas capables de venir tirer sur moi. Ma vie c'est un délire, ma quiche t'assembélie, baby, fais des dingueries dans le noir. Ouh, c'est fini, j'ai plus envie de toi. Ouh, le soleil se lève, envole-toi. Ouh, yeah, yeah. On se voit ce soir. Je veux pas rentrer ce soir. J'aime bien quand je parle au ciel. Je compte les étoiles. Tu me perds, je suis pas concentré. Je veux pas rentrer ce soir. J'aime bien quand je parle au ciel. Je compte les étoiles. Je me perds, je suis pas concentré.